Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'histoire de la révolution hongroise de 1956. Le 23 octobre, une immense manifestation étudiante organisée à Budapest vire à l'insurrection en quelques heures. Des manifestants sont tués et une grande partie des habitants de la capitale hongroise prennent les armes pour combattre à la fois le gouvernement et la tutelle de l'Union soviétique. Pour la première fois dans le bloc de l'Est, une population ose s'attaquer frontalement à la force d'occupation russe. Cette révolution, à la fois anti-stalinienne et anti-capitaliste, s'étend très vite dans toute la Hongrie. Au Kremlin, on décide de mater les insurgés. 4600 chars et 200 000 soldats sont déployés pour mettre au pas ce pays signataire du pacte de Varsovie. Pendant plus de deux semaines, et malgré un rapport de force disproportionné, les Hongrois entrevoient un instant l'espoir d'être libérés du joug soviétique. Mais le tribut de leurs espoirs est lourd, 3 000 morts et 20 000 blessés. Notre invité aujourd'hui, Roman Krakowski, historien, spécialiste de l'Europe centrale et orientale. Il a notamment publié le livre « Le populisme en Europe centrale et orientale, un avertissement pour le monde ?» Point d'interrogation, chez Fayard en 2019. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, récit documentaire Adrien Mora, coordination Christophe Barrère, réalisation Lauriane Toulmont. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles. Sur France Inter. Celui qu'un peuple de 200 millions d'habitants acclamait tous les ans sur la place rouge, Joseph Staline, est mort. Le chef du plus vaste empire du monde a succombé à 73 ans à une hémorragie cérébrale. Depuis 1924, il avait pris la succession de Lénine et assumé à la fois la conduite du peuple russe et celle du régime soviétique. Pendant ses 28 ans, il se montra l'une des figures maîtresses d'un univers en état de crise. Durant trois jours, près de 5 millions de soviétiques défilent devant le cercueil du petit père des peuples, exposé dans la maison des syndicats à Moscou. Le 9 mars, les obsèques de Staline sont le théâtre de scènes d'hystérie collective et de grands mouvements de foule. Des centaines de personnes meurent, piétinées ou étouffées. Ce sera le dernier crime de Staline, même mort, cet homme restera dangereux pour son peuple. À 1500 km de Moscou, dans la capitale hongroise, Budapest, la nouvelle, au contraire, est accueillie avec une lueur d'espoir. La Hongrie, alliée des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale et libérée par les troupes soviétiques, vit depuis près de 10 ans sous le contrôle de l'URSS. D'ailleurs, son malheur commence dès la libération en 1944. Viol de masse commis par les soldats de l'armée rouge, confiscation des biens et mis sous contrôle du pays par les moscovites, le surnom donné aux communistes hongrois qui se sont réfugiés à Moscou dès les années 30. Très vite, c'est le chef de ces moscovites, Matthias Rákosi, qui prend les rênes du pays. Un Staline version hongroise, avec les mêmes méthodes, industrialisation à marche forcée, censure, camps d'internement, purges, torture et emprisonnement. Les Hongrois ont d'ailleurs une plaisanterie à ce propos. Ils disent, vous savez, il y a trois catégories de gens dans ce pays. Ceux qui sont allés en prison, ceux qui sont en prison et ceux qui iront en prison. En 10 ans, Matthias Rákosi tue et emprisonne proportionnellement autant de personnes que Staline en URSS. Et comme dans toute dictature, sévit une police politique redoutable. Ici en Hongrie, l'AVO, AVO, qui fait régner la terreur dans tout le pays. Février 1956, Moscou. Le 20e congrès du Parti communiste est l'occasion pour Nikita Khrouchtchev de présenter le rapport secret consacré au crime de Staline, son prédécesseur. Une autocritique du régime de plus de 4 heures, dont voici un court extrait issu de l'émission Histoire, en direct, diffusée sur France Culture en 1991. Staline avait renoncé à la méthode léniniste consistant à convaincre et à éduquer. Il avait abandonné la méthode de la lutte idéologique pour celle de la violence administrative, des répressions massives et de la terreur. Staline permit au parti et au NKVD d'employer la terreur de masse. Cette terreur était en fait dirigée non pas contre les vestiges des classes exploitantes vaincues, mais contre les honnêtes travailleurs du parti et de l'État soviétique. Ce rapport secret, qui n'est pas resté très longtemps, constitue un tournant dans l'histoire de l'URSS et des pays satellites bloc de l'Est. On a enfin levé le couvercle sur les horreurs du stalinisme. en Hongrie, sous la pression des cercles intellectuels notamment, Rákosi se sent obligé de réhabiliter un communiste très populaire dans le pays, victime d'une purge en 1949, László Rajk. Mais à l'été 56, il tente d'écarter du Parti communiste les écrivains et intellectuels les plus réformateurs et les plus engagés. Et c'est finalement lui-même qui va subir la mise à l'écart. Moscou le remplace par son bras droit, Ernest Guaire. En octobre 56, la Pologne, un pays voisin, asservi lui aussi par l'URSS, est en proie à des grèves et des émeutes contre le gouvernement. Le 21, le comité central du Parti ouvrier unifié polonais nomme Władysław Gomułka à la tête du pays, sans consulter les soviétiques. Gomułka entend bien s'affranchir un peu de la tutelle de Moscou pour développer un socialisme à la polonaise et une déstalinisation du pays. Le 22 octobre, en Hongrie, des étudiants rêvent de suivre l'exemple polonais. Alors, ils préparent une manifestation pour le lendemain, en soutien à leurs camarades. C'est aussi l'occasion de présenter leurs propres revendications. Un manifeste des 16 points est ainsi rédigé. Ce sera le manifeste de la révolution. En voici quelques extraits. Revendication des étudiants de Budapest. Remaniement du gouvernement, avec la participation du camarade Imre Nagy. Retrait de toutes les troupes soviétiques selon les stipulations du traité de paix avec la Hongrie. Élection générale nouvelle, fondée sur l'égalité, le vote secret, la participation de plusieurs partis. Révision systématique de tous les procès politiques et économiques. Liberté totale d'opinion et de la presse. Symbole de la tyrannie et du despotisme, la statue de Staline doit être ôtée sans délai. Kedves hallgatóink, most a Szabad Magyarország hangjának hírszolgálata következik. Mardi 23 octobre, c'est une belle journée d'automne qui commence dans la capitale hongroise. Sur Radio Budapest, une dépêche laconique évoque la manifestation étudiante prévue pour l'après-midi. Ernest Guaireau, le nouveau dirigeant du pays, arrive d'un voyage en Yougoslavie où il a rencontré son homologue Tito. L'entrevue entre les deux voisins s'est bien déroulée, les liens diplomatiques sont renforcés. Guaireau quitte la gare de l'Est et entre dans sa limousine pour se rendre au siège du parti. Et lorsqu'on lui annonce la manifestation étudiante, il s'emporte. Nous détenons tous les moyens nécessaires pour maîtriser ces fauteurs de troubles. Nous pouvons tout simplement interdire la manifestation. Et s'il n'y a plus de manifestation, il n'y aura plus de troubles. C'est le cafouillage à la tête de l'État. La manifestation, un temps interdite par une déclaration à la radio, est finalement autorisée au dernier moment. En fait, deux marches différentes sont organisées. L'une se dirige vers la statue du poète Sándor Petőfi, figure de la guerre d'indépendance hongroise contre la domination de l'Empire austro-hongrois des Habsbourg. L'autre vers la statue de Joseph Bem, autre figure de la guerre d'indépendance. Les étudiants se déplacent dans le calme et scandent des slogans tels que « Les soldats de tous les pays doivent rentrer dans leur patrie »,« Imre Nagy au gouvernement »,« Rákosi au Danube » ou encore « Les Russes à la maison. Ils sont ici une trentaine. Parmi eux se trouve une jeune fille de 17 ans. Certains sont en uniforme, mais ils ont ôté les étoiles rouges qui ornaient leur képi. Tous portent un brassard tricolore, rouge, blanc, vert. Au fil des heures, les ouvriers sortis des usines rejoignent le cortège qui grossit de minute en minute. On réclame l'indépendance et la liberté. L'atmosphère est plutôt bon enfant. En fin d'après-midi, près de 250 000 manifestants sont massés devant le Parlement. À 20h, le chef du gouvernement prononce un discours qui va mettre le feu aux poudres. Au lieu de prôner l'apaisement et envisager des réformes, il qualifie les manifestants de fascistes. Un discours qui provoque la colère de la foule et Budapest bascule. Oui, c'est le début d'une longue nuit d'émeute. Même l'intervention du communiste réformateur Imre Nagy ne calme pas les manifestants. Imre Nagy, mais doit-on dire Nagy en langue magyare? Nous dirons pour simplifier Nagy, lecture française du nom. C'est devant le siège de la radio que la situation dégénère. Des manifestants qui veulent prendre le contrôle du bâtiment font face à la VO, la police politique. En début de soirée, des coups de feu sont tirés, provoquant les premiers morts de la révolution. Le colonel Sándor Kopács, un militaire de l'armée hongroise appelé pour remettre de l'ordre, se souvient de cette soirée. Il était 10 heures environ lorsque j'ai reçu les premières nouvelles. Une foule immense se trouvait autour de la radio. C'est quand il y a eu déjà plusieurs morts et blessés qu'on nous a demandé d'envoyer une compagnie pour essayer de faire disperser la foule. Mais c'était trop tard. La police politique, l'AVO, faisait tirer sur mes gens comme sur les manifestants. Et quand mon unité a eu des pertes, je leur ai ordonné de rentrer dans leur caserne. Les manifestants ne parviennent pas à prendre la radio, mais d'autres réussissent à déboulonner l'immense statue de Staline. Toute la ville est en effervescence. Certaines casernes militaires ouvrent leur arsenal pour distribuer des armes aux manifestants. Gueïréou, qui comprend que la situation devient incontrôlable, s'en remet donc aux soviétiques. Et à l'aube, les chars de l'armée rouge entrent dans la capitale. Le général hongrois Béla Király témoigne de l'effet provoqué sur les habitants. Ils avaient l'intention de répéter ce qui s'était passé en mars 53 à Berlin et faisaient défiler quelques chars. À Berlin, ils n'ont même pas eu besoin de tirer. Les gens ont eu peur. Ils sont rentrés à la maison. À Budapest, cela ne s'est pas passé comme ça. Les esprits étaient en ébullition. Deux ou trois tirs de chars ont donc suffi pour transformer les habitants de Budapest en révolutionnaires. À partir du 24, pendant les combats qui ont duré 4 jours, 200 chars soviétiques ont été brûlés. Pour résoudre cette crise, les chars ne suffisent pas. C'est même l'effet inverse. Alors on nomme le réformateur Imre Nagy à la tête du Conseil des ministres. Les soviétiques et le Parti communiste pensent que cette solution politique est encore viable. Mais dès le 24 octobre, des poches de résistance se forment dans toute la ville. Rien n'est vraiment organisé ni centralisé, ce qui rend toutes les attaques imprévisibles pour les soldats de l'URSS. Le journaliste hongrois Peter Feuldesch dresse ici un panorama des différents profils de manifestants. C'était une révolution populaire. Comme on disait souvent, c'était les gars de la rue qui jouaient un rôle très important. Naturellement, des hommes sages, des hommes d'un certain âge, des grandes mères. On les voit très peu dans les heures de la révolution dans la rue. Mais on voit les jeunes, on voit les universitaires, on voit des jeunes ouvriers, etc., etc. C'était pour moi une impression absolue de la rue. Parmi les insurgés, on retrouve beaucoup d'adolescents qui n'ont rien à espérer du modèle communiste. Mais pire, aux yeux de Moscou, chez les militaires également, un retournement va s'opérer. Le 25 octobre, le commandant Pál Maléter est envoyé à la caserne Kilian, la plus grande de Budapest, toujours sous la menace des insurgés. Arrivé avec ses soldats et ses chars, Maléter prend une décision qui va changer sa vie et l'écourter. Il désobéit à ses supérieurs et rejoint les révolutionnaires. Il organise alors la prise et la défense de la caserne Kilian. Sa femme, Judith Maléter, explique pourquoi il a désobéi. Je pense qu'il s'est trouvé dans une situation extrêmement difficile, très grave, pénible même. En tant que soldat, il devait suivre les ordres du Premier ministre. En ce moment-là, le Premier ministre avait proclamé la loi martiale. Donc, cela était ce qu'il aurait dû suivre, mais d'autre part, il était en contact permanent avec les gens de la rue, avec ceux qui étaient les petits Hongrois, s'il vous plaît. En quelques heures, l'histoire de ce commandant passé du côté des insurgés fait le tour de la ville. Pál Maléter devient l'une des figures emblématiques du soulèvement de Budapest. Gueïréou, chef du gouvernement, étant démis de ses fonctions par les soviétiques, Moscou laisse le réformateur Imre Nagy gérer seul cette situation de crise. Ce sont deux envoyés du Kremlin, Suslov et Mikoyan, qui ont conseillé à Khrouchtchev la solution Nagy. Il décide aussi de nommer à la tête du parti Janos Kadar, un communiste victime des purges de Rakoshi, le Staline hongrois. Mais la colère de la population ne se calme pas. Une immense fusillade provoquée par les soldats soviétiques fait 300 victimes sur la place du Parlement. La révolution se radicalise, notamment encouragée par Radio Free Europe, une station financée par la CIA qui émet depuis l'Allemagne. Les insurgés s'attaquent notamment à tous les membres de l'AVO, la police politique qui a tué, torturé et emprisonné pendant près de 10 ans. La peur a désormais changé de camp. Et les membres de l'AVO, reconnaissables à leurs vêtements de cuir, sont traqués et lynchés à mort lorsque la foule leur met la main dessus. Partout dans le pays, on assiste à ces scènes de lynchage qui parfois provoquent la mort d'innocents. Dans les usines, des conseillers révolutionnaires réunissant ouvriers et ingénieurs sont formés. À la tête du pays, Nagy a toujours un temps de retard sur les revendications de sa population. Il ouvre son gouvernement à d'autres partis politiques et autorise alors la reconstitution du parti agrarien, partisan du partage des terres. Le 29 octobre, les combats font toujours rage dans les rues de Budapest et le commandant Palmaléter défend toujours la caserne Kilian. Le même jour, à des milliers de kilomètres, Israël envahit l'est du canal de Suez en Égypte dans une opération menée conjointement avec les Français et les Anglais. Quant au président américain Dwight Eisenhower, en pleine campagne pour sa réélection, il semble jouer la montre sur la crise hongroise, évitant au maximum de s'y impliquer. Les journées du 30 et 31 octobre sont deux journées cruciales de la révolution hongroise. Nagy ordonne la libération du primat de l'Église catholique hongroise en prison depuis 1948, le cardinal József Micsenki. Moscou, de son côté, annonce le retrait de ses troupes de Hongrie. Et le 31 octobre au matin, Nagy évoque la tenue d'élections libres. Mais les insurgés veulent aller plus loin. Ils veulent la sortie du traité de Varsovie et la proclamation de la neutralité hongroise. Le 1er novembre à 19h, Nagy fait une déclaration sur Radio Budapest. Peuple hongrois, le gouvernement national hongrois, conscient de sa profonde responsabilité devant le peuple hongrois et devant l'histoire, déclare la neutralité de la République populaire hongroise. La nation hongroise souhaite consolider et développer les résultats obtenus par sa révolution nationale, et cela sans se rallier à aucun bloc. Nous demandons à tous les pays voisins, proches ou lointains, de respecter la décision inaltérable de notre peuple. En disant cela devant la presse internationale, Imre Nagy sait qu'il franchit le Rubicon et que les soviétiques ne le laisseront pas faire. Il sait que Moscou a d'ores et déjà planifié une seconde intervention militaire. Il décide alors de suivre les aspirations de son peuple, tout en espérant que l'ONU pourra lui venir en aide. Au Kremlin, on a débattu longtemps de la meilleure manière de garder la Hongrie sous influence. La solution politique essayée pendant plus d'une semaine n'a pas fonctionné. Alors les partisans d'un coup de force militaire reprennent la main, d'autant qu'un ambassadeur américain a transmis un message du président américain Eisenhower à Khrouchtchev disant « Les États-Unis n'ont pas l'intention de profiter de la neutralité hongroise ». Comprenne qui pourra. Les soviétiques n'ont également rien à craindre du côté de la France et de l'Angleterre, trop occupés par la crise de Suez. Le 1er novembre, le premier secrétaire du parti hongrois, Janos Kadar, disparaît de Budapest et demande aux soviétiques d'intervenir. Nagy sait désormais qu'il est seul face à Moscou. Et la population hongroise, qui se réjouit du départ de l'armée rouge, ne sait pas encore que le plus dur est devant elle. Világ, add már, uram, az eső, kúkad a búza, meghal a világ, add már. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Novembre 1956, un jeune journaliste français de 26 ans, Alain de Sédouy, parvient à rallier Budapest depuis la ville de Dieuré. Il a trouvé un taxi qu'il a payé à prix d'or pour réaliser un reportage jusque dans la capitale hongroise. Arrivé dans les faubourgs de la ville, il aperçoit des soldats russes en train de creuser des emplacements de tir. Il observe également les nombreux chars positionnés autour de la capitale. Le même jour, les généraux de l'armée hongroise sont convoqués pour une réunion avec l'état-major soviétique. Parmi eux, le commandant Malter, inconnu des Hongrois deux semaines auparavant, qui vient d'être promu major général et nommé ministre de la Défense. Le soir du 3 novembre, Malter, le militaire le plus populaire auprès des Hongrois insurgés, quitte son appartement du Budapest pour se rendre à la réunion organisée en banlieue. A priori, Hongrois et Soviétiques ont trouvé un accord sur le retrait des troupes de l'armée rouge. Mais sa femme, Judith Malter, est inquiète. Son mari lui dit alors « Tu dois bien comprendre que ni la famille ni l'épouse ne comptent. Je dois y aller, même au prix de ma vie, parce qu'un pays tout entier attend que j'y aille. » À 22h30, Paul Malter rallie la base aérienne où il rencontre le général Malinine qui l'accueille de façon cordiale. Mais quelques minutes plus tard, le général Serov pénètre dans la salle de conférence. Lui, c'est le chef de la police de sécurité soviétique. Il est accompagné de quelques soldats qui pointent leurs fusils sur tous les membres de la délégation hongroise. Et tous sont arrêtés au même moment. Et l'armée rouge lance 2000 chars à l'assaut de Budapest. Nagy, qui a été trompé jusqu'au bout par les soviétiques, et notamment par l'ambassadeur Yuri Andropov, futur secrétaire général du comité central et numéro 1 soviétique en 82, Nagy comprend tardivement que son pays est en train de se faire envahir. Avant de se réfugier de l'ambassade de Yougoslavie, il lance un appel à l'aide à la radio. Attention, attention, ici Radio Kossuth Budapest. Monsieur Imre Nagy, président du Conseil de la République populaire hongroise, a fait ce matin l'appel suivant à la radio. Aujourd'hui, à l'aube, les troupes soviétiques ont commencé une attaque contre la capitale hongroise dans l'intention évidente d'abattre le gouvernement hongrois légal et démocratique. Nos troupes sont en combat. Le gouvernement est à sa place. J'annonce cela au peuple hongrois et au monde entier. Quelques heures après cette allocution, János Kádár appelle à former un nouveau gouvernement contre celui d'Imre Nagy. Au même moment, le général Kremlik fait passer un message à la population hongroise. À la demande du gouvernement révolutionnaire des ouvriers et des paysans hongrois, l'armée soviétique est venue à Budapest apporter son aide fraternelle afin que soient défendues les réalisations socialistes du peuple hongrois pour enrayer la contre-révolution et écarter le danger du fascisme. Dans son appartement de Budapest, Judith Malter est inquiète. Elle est sans nouvelles de son mari, le ministre de la Défense, Paul Malter. Après plusieurs tentatives, elle parvient à joindre le secrétariat d'Imre Nagy. On lui dit alors « Madame, où êtes-vous ? Je suis à la maison. Écoutez-moi bien. Entrez dans une ambassade étrangère le plus rapidement possible. » Dans tout Budapest, de nombreuses personnalités se précipitent pour se réfugier dans les ambassades. De nombreux journalistes les imitent. L'agence de presse hongroise parvient à faire passer un dernier message à 9h du matin. « Vive la Hongrie et l'Europe, nous mourrons pour la Hongrie. » Dans tout le pays, ce sont 200 000 soldats et 4600 chars qui se déploient pour quadriller le territoire. Moscou a décidé d'envoyer des soldats originaires d'Asie centrale pour éviter qu'ils ne fraternisent avec les Hongrois. Arrivé la veille à Budapest, le journaliste français Alain Sédouy observe de sa chambre d'hôtel l'arrivée des chars. De nombreux journalistes ont quitté l'hôtel Doudna, mais lui et un confrère français enregistrent sur un agra les événements qui se déroulent sous leurs yeux. Ils filment l'histoire en direct. Au deuxième étage de la chambre 207, Alain Sédouy commente l'avancée des chars. « Derrière l'hôtel Duna, entre l'hôtel Duna et le Danube, voici les chars russes qui passent. Ils sont environ à une trentaine de mètres de moi. La tourelle n'a pas l'air de se diriger vers moi. Autrement, évidemment, je me planquerai en vitesse. Oui, oui, je viens. Il tire à la mitraille, vous entendez les balles qui claquent contre le mur. Un troisième char arrive, je ne sais pas si vous avez entendu. Vous entendez le bruit des chars, les gens dans l'hôtel sortent doucement. Quatrième char, et ils tirent. En quelle direction? Ben, pas sur nous alors. Ils viennent tourner sa tourelle, c'est vers nous? Il vaut mieux se baisser, oui je crois. Vous entendez de temps en temps les 8 balles qui tapent. Voilà. Sur l'hôtel, je suis navré, j'arrête le magnétophone. Alors qu'il coupe le magnétophone, Nagra, l'obus tiré rentre au ras de la fenêtre de la chambre d'hôtel du journaliste. Heureusement, pour nos deux confrères, il s'agit d'un obus perforant et non explosif. Le plafond de la chambre s'écroule, Alain Sédoui est sous les gravats, mais il a vie sauve. Devant la violence de l'invasion soviétique, un collectif d'écrivains hongrois lance un appel à l'aide à la communauté internationale. Il est relayé en France par l'écrivain François Mauriac. This is the Association of Hungarian Writers speaking. Внимание, внимание. Говорит Будапешт. Станция Свободный Космос. La radio des insurgés hongrois a diffusé ce matin à 7h10 l'appel suivant. François Mauriac. Poète, écrivain, savant du monde entier. Les écrivains hongrois s'adressent à vous, à l'heure suprême, au nom d'une nation massacrée. Nous nous adressons à vous, Camus, Malraux, Mauriac, Roussel, Jaspers, Eliot, Koestler, Lachnès, Hesse, etc. et tant d'autres combattants de l'esprit. L'heure a sonné où les paroles ne suffisent plus. Il faut des actes. Faites quelque chose, agissez, secouez l'inertie horrible de l'Occident, agissez, agissez, agissez. Malgré le prestige de tous ces noms, l'appel est sans effet. Les pays occidentaux contestent publiquement l'intervention, mais n'ont aucune intention de s'immiscer plus que ça. Les États-Unis, qui financent par le biais de la CIA Radio Free Europe, jouent un double jeu. Les émissions de cette radio ont poussé les insurgés à la révolution en leur faisant miroiter une potentielle aide américaine. Mais le président Eisenhower préfère cyniquement un bain de sang qui serait dommageable pour lui rester sur le plan international et pour sa réputation. Du côté du monde communiste, la répression est soutenue par la Chine et la Yougoslavie, question de culture politique. Écoutez les explications de l'historien Jean-Yves Potel. Dans le monde communiste, alors qu'on commençait à avoir des différenciations, on se rappelle qu'en 48, Tito est sorti, que ça commençait à chauffer entre les Chinois et les Soviétiques, qui aboutira à la rupture des années 60. Eh bien, dans le monde soviétique, les Chinois et les Yougoslaves ont fait savoir clairement à Khrouchtchev, qui a fait une tournée, qu'ils soutenaient la répression. À partir du 4 novembre 1956, les Hongrois se retrouvent bien seuls face à la déferlante de l'armée rouge. Dans les rues de Budapest, le journaliste Alain Sédoui observe les longues files d'attente devant les boulangeries pour obtenir un petit peu de pain. Les autres commerces sont tous fermés. Il n'y a plus de lait pour les enfants et plus de sang à transfuser pour les blessés. Pourtant, sans chef et presque sans armes, les insurgés de la capitale attaquent les chars soviétiques sans relâche. De nombreux adolescents se lancent dans des missions quasiment kamikazes pour stopper l'avancée des blindés. La méthode est souvent la même. Les jeunes jettent de l'huile ou du mazout sur la chaussée, les chevilles du char patinent, le conducteur sort du véhicule et un ado surgit avec un cocktail Molotov pour incendier le blindé. La méthode est risquée, bien sûr, et de nombreux ados perdent la vie. Pendant des jours, des insurgés défendent héroïquement deux bastions de la résistance, la caserne Kilian et le passage Corvin. Mais sans organisation militaire centralisée ni appui logistique, tout cela s'apparente plus à un barreau d'honneur. Et Budapest, l'insurgé finit par céder face à la force disproportionnée de l'armée rouge. Dans le reste du pays, la résistance dure plus longtemps, mais c'est surtout un exode massif qui s'organise. plus de 200 000 Hongrois prennent les routes pour rejoindre la frontière autrichienne. Le 8 novembre 1956, un avion de réfugiés atterrit à l'aéroport du Bourget, près de Paris. À leur arrivée, les réfugiés commencent à entonner l'hymne de la Hongrie libre, mais tout le monde fond en larmes avant la fin. Car beaucoup d'entre eux ont perdu des proches ces derniers jours. Un combattant de Budapest témoigne devant la télé française. Gyerekekkel harcoltam, itt van az osztagomból megmaradt. 840 emberből 12 ember, az mind itt van. Puszta fegyverrel harckocsik ellen. Il est de Budapest, il a combattu avec sa troupe de 840 hommes, de laquelle il est resté avec sa groupe de 9 hommes, qu'il était entouré par les Russes. Il est blessé, son frère qui a eu 19 ans, il était tué par une balle de dum-dum qui a écrasé, fracassé entièrement sa tête. Il a combattu avec des enfants à ses côtés, qui étaient admirables dans ce combat. Il est très heureux de se trouver en territoire de la France. Malgré l'émoi international provoqué par la mort de 3000 Hongrois et les nombreuses manifestations de soutien à Paris, Londres, Rome, New York, l'Occident n'adressera que des protestations médiatiques et morales. János Kádár est alors placé à la tête du pays et Imre Nagy sera jugé un an et demi plus tard dans l'indifférence générale. Dans la semaine du 9 juin 1958, un procès digne de la période stalinienne débute à Budapest, sans public ni journaliste. Après une semaine de débats où toutes les accusations sont fausses, l'ancien chef communiste rénovateur du gouvernement, courageux, mais aussi le militaire Malleter, aussi courageux, sont condamnés à mort. Ils sont exécutés le lundi 16 juin à l'aube dans une prison de la capitale hongroise. Radio Moscou publie un communiqué laconique pour annoncer la nouvelle. C'est ainsi que Judith Malleter apprend la mort de son mari. Cette immense tristesse est partagée par les 200 000 Hongrois qui ont quitté leur pays après cette révolution avortée, écrasée. Avec le recul, c'est un rendez-vous manqué avec l'histoire, car le modèle que les Hongrois proposaient était celui d'une troisième voie affranchie de la tutelle soviétique sans pour autant passer dans le camp occidental. Porté au pouvoir par Moscou, János Kádár ne le quittera qu'en 1988, s'efforçant pendant 30 ans d'effacer le sang qu'il avait sur les mains, lui qui avait appelé les soviétiques à la rescousse le 1er novembre 1956. Pendant 30 ans également, les Hongrois restés au pays n'ont plus évoqué cette révolution manquée. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le soulèvement de Budapest en 1956, dont nous allons parler avec notre invité Roman Krakowski. Bonjour. Bonjour. Historien, spécialiste de l'Europe centrale et orientale, vous avez notamment publié « Le populisme en Europe centrale et orientale, un avertissement pour le monde » avec un point d'interrogation. On y reviendra d'ailleurs en fin d'interview sur ce point d'interrogation. Donc chez Fayard en 2019. Alors, on parlait des pays de l'Est, sauf que c'est pas une entité homogène, les pays de l'Est. Il y a les rebelles, la Hongrie, on vient de le voir, Tchécoslovaquie en 68, la Pologne, bien sûr, avec Danx en 80. Il y a les disciplinés, la RDA, qui veut faire aussi bien que le frère occidental. Et puis il y a la Bulgarie, ça c'est un réflexe culturel anti-turc de la part des Bulgares, de se protéger derrière les Russes et donc les Soviétiques. Puis il y a le cas particulier de la Roumanie, dirigée par un cinglé qui se prenait pour le roi Ubu, Ceausescu. Comment se place la Hongrie dans ce panorama ? Alors, le tableau que vous venez de dresser, en fait, couvre l'ensemble de la période, alors qu'il faudrait constituer un peu les années 50 ou la première moitié des années 50. Ce qui est intéressant pour nous et pour le sujet 56, c'est que la Hongrie était un allié d'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, en 1945, quand l'Empire allemand est déchu, elle est traitée également comme un pays déchu, y compris par les alliés, donc l'Union soviétique, qui a libéré le pays, hein, l'armée rouge qui a libéré le pays au printemps 45, et qui traite la Hongrie comme un pays déchu, donc prélève sur les populations à la fois les matières premières, les vivres et parfois même des installations industrielles. La Hongrie doit payer des réparations de guerre et ça contribue à une situation économique extrêmement difficile au début des années 50. Et cette volonté, vous en avez parlé à plusieurs reprises dans le reportage de reconquérir une forme d'indépendance ou de souveraineté, c'est derrière tout ça, c'est aussi une volonté de rompre avec une subjugation à Moscou, subjugation, domination économique notamment. Donc et la Hongrie fait partie de ces pays où avant la guerre, avant la Seconde Guerre mondiale, les partis communistes étaient inexistants. Hein. Le régime conservateur de Miklós Horthy a interdit le parti communiste. Donc il y a quelques communistes qui agissent dans l'illégalité, mais à la différence, par exemple, de la Tchécoslovaquie, la Hongrie n'a jamais eu un parti communiste fort. Et donc, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il faut tout construire. Et donc, la Hongrie fait partie de ces pays qui se lancent dans le passage vers le communisme par plusieurs étapes qu'on appelle le passage des fronts populaires, où on construit d'abord, hein, entre 45-49, des partis communistes de masse, où on met en place un certain nombre de réformes sociales et économiques radicales, la planification, la collectivisation. Sur le modèle de Moscou. Sur le modèle de Moscou, donc... Et pardon, comme on n'a pas beaucoup de temps, on va balayer plusieurs thèmes. Donc ça, c'est avant. Donc on a compris, merci. Et après, après le soulèvement, donc la Hongrie post-soulèvement de 57, au début de 57, jusqu'à 89, quand le mur tombe, quel est ce pays? Comment était? On parlait de miracle économique hongrois, on avait l'impression en ce temps-là que la Hongrie était un peu le poste avancé des pays de l'Est vers l'Ouest. C'était vrai? Si oui, pourquoi? En fait, la question qui se pose après 56 en Hongrie comme dans d'autres pays de la région, c'est en fait comment durer. Staline est mort, on peut plus durer uniquement sur la répression, il faut mettre en place d'autres mécaniques. Et donc toute la période des années de la seconde moitié des années 50 jusqu'aux années 80 est une forme de va-et-vient entre la volonté de maintenir le contrôle et la nécessité de relâcher le contrôle. Et en fait, c'est donc il y a un va-et-vient permanent. Il y a des périodes de retour en force, etc. Mais en gros, on ne peut plus utiliser la violence comme moyen d'action politique. Donc, il faut trouver autre chose. Et cette autre chose, et ce qui a été évoqué aussi dans notre récit, c'est la question d'amélioration des conditions de vie des populations. Et ça donc, passe par là. Ça passe par là. Et donc. Le régime de Kadar, comme d'ailleurs d'autres régimes de la région, arrive à la conclusion que l'amélioration des conditions de vie peut être un moyen d'action politique extrêmement efficace. En gros, en faisant savoir aux populations que Si vous souhaitez que le régime vous garantisse une amélioration des conditions de vie, il va falloir... Pas protester, quoi. Pas protester. Il va falloir quitter le terrain politique. En gros, obéissance en échange de bien-être. Développement économique. Voilà. Et est-ce que le développement économique et ce bien-être promis a été... Est-ce qu'on l'a senti? Est-ce qu'il a existé, ce bien-être, en Hongrie? Alors, je sais que beaucoup de populations des pays de l'Est allaient en vacances sur le lac Balaton, par exemple, que la Hongrie comme ça, avait cette image comme ça de pays où on vivait peut-être mieux que dans d'autres pays de l'Est. Ça fait partie de ce compromis. En échange de l'obéissance politique, on pouvait voyager plus librement, on pouvait... Ah oui, donc il y avait vraiment des réalités comme ça. Il y avait, oui, bien sûr. On pouvait avoir sa petite entreprise, un petit lopin de terre, on pouvait partir peut-être plus souvent à l'étranger, le magasins étaient, sur certains produits, mieux achalandés que dans d'autres pays de l'Est. Donc, ce miracle, il a fonctionné jusqu'aux années 70. Et là, on s'inscrit dans un autre mouvement de crise économique pétrolière, où cet fragile équilibre vole en éclats. À partir de 73, quand même. Voilà. Le premier choc pétrolier. Milieu des années 70, il y avait déjà un ralentissement de la croissance dans les années 60. Difficulté de mener de front la planification. Donc on passe, dans la plupart des pays de l'Est d'ailleurs, sur les plans à court terme, les plans annuels. On abandonne les plans de long terme parce qu'en fait, c'est irréalisable. Et donc, en fait, la crise, elle s'annonce déjà, les blocages systémiques s'annoncent dans les années 60, et c'est avec la crise pétrolière qu'ils éclatent. Et c'est là où ce contrat social, obéissance en échange de bien-être, en fait, n'est plus tenu par le pouvoir. Et donc, les populations se disent, puisque vous n'êtes pas en mesure de remplir votre part de contrat, nous, on ne va pas remplir la nôtre. Et donc, et c'est là où il y a une bascule qui s'opère au milieu des années 70 ou à la fin de la décennie. Plutôt que de vouloir chercher une réforme du système, cherchons plutôt la voie de sortie. C'est pas tout à fait la même chose. Ah non, c'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Et donc, c'est cette bascule qui se passe dans les années 70. Et en fait, le mouvement de contestation de la fin des années 70, vous avez mentionné au début la Pologne, mais il émerge également en Hongrie, se poursuit et puis il aboutit à la chute du régime à la fin des années 80. Et d'ailleurs, on remarque que le fameux rideau de fer, c'est en Hongrie, dans l'été 89, avant que tombe le mur, qu'il avait été perforé. C'était en Hongrie. Ce qui n'avait étonné personne. On se disait, on comprend que ça soit en Hongrie, pour toutes les raisons évoquées à l'instant. On va se retrouver dans 3 minutes, après avoir écouté Georges Ezdrat, qui chante Budapest. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus EOU. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved, it may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. For you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. And give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run. Oh, to you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Oh, to you, ooh, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Give me one good reason why I should never make a change. Roman Krakowski, nous parlons du soulèvement hongrois de 1956. Alors, les brèches dans le glacis soviétique, les trois grandes, on les connaît. Alors, il y a eu Berlin en 53, c'est vrai, mais les trois grandes dates, c'est 56 Budapest, 68 Prague et 80 Gdansk. Ça, c'est vraiment les trois coups de boutoir sur le glacis communiste. Est-ce qu'il y a une différence, en tout cas pas avec la Pologne, parce qu'on la voit, mais par rapport à 68, le soulèvement tchèque, le printemps de Prague, et 56 à Budapest, est-ce qu'il y a des différences notables? Je dirais que les deux événements ou les deux processus, parce qu'en réalité le printemps de Prague en fait commence déjà au début des années 60 avec une libéralisation progressive, suivent à peu près la même logique, c'est-à-dire amélioration de la démocratie socialiste, hein, entre guillemets, c'est-à-dire un transfert ou un renforcement du rôle des masses populaires, des masses ouvrières ou travailleurs dans le processus de décision, dans la participation au pouvoir. Donc ça passe par les techniques d'autogestion, ça passe par le renforcement des conseils ouvriers, donc ces organes d'autogestion au niveau des équipes de travail ou dans les entreprises qui se forment, par toute une série de réformes économiques. On est pour dire vite dans une logique d'amélioration ou de réforme du système. Donc c'est pour ça le terme de révolution hongroise pas forcément approprié parce que pour moi révolution c'est un changement radical ou comme un clapet en fait. On ne peut plus revenir en arrière, alors que ce que voulaient les révolutionnaires ou les... Voilà, je viens d'utiliser le terme. Ce que voulaient les réformateurs hongrois, ce que voulaient d'ailleurs les réformateurs tchécoslovaques dans les années 60, c'est de changer le socialisme, mais de rester dans le socialisme. Imre Nagy, vous l'avez mentionné, c'est la troisième voie. C'est la troisième voie. C'est une forme d'amélioration du système en revenant à des fondamentaux du début des années 20. Ouais, je dirais ça. Mais ce que vous dites là, c'est la théorie de Gorbatchev, finalement. Finalement, ce qu'a proposé Gorbatchev, c'était le rêve de tous ces pays de l'Est. Oui. Et aussi de certains soviétiques, j'imagine. Mais c'est ça, en fait. C'est gorbatchevien, ce que vous nous dites. Ah oui, c'est quelque part, on n'utilise pas le terme. Je force un peu le trait, évidemment. On parle pas de glasnost et de perestroïka, mais ça aurait pu être ça. Il y a quand même une différence. Imre Nagy n'est pas Gorbatchev. Gorbatchev, il est au sommet de la pyramide du pouvoir. Certes. Et donc, le changement, il ne pouvait pas venir de Budapest en 56. Il ne pouvait pas venir de Prague en 68. Par contre, il pouvait venir de Moscou. Bien sûr. Et c'est ça la grande différence. Bien sûr. Moi, je parlais juste de l'aspect programmatique. Quel type de société on veut? Vraiment, c'est vraiment ce que voulait aussi Gorbatchev. Mais ça montre aussi que le communisme n'est pas réformable, finalement. Puisque Gorbatchev a échoué. Même si la libération et la liberté de tous ces peuples doivent avant tout à Gorbatchev. Sans lui, rien n'aurait été possible. N'empêche que c'est un échec. Donc ça veut dire que ce système-là n'était pas réformable. Qu'il ne pouvait tomber finalement que par une révolution qui a pris l'allure d'un mur qui s'écroule, si j'ose dire. Là, c'est des systèmes qui sont fondés sur une volonté de maintenir le contrôle en relâchant le contrôle. Mais en relâchant le contrôle, vous finissez toujours par le perdre. Ah, bon. Oui, c'est exactement ce qu'a fait Gorbatchev. Il a soulevé le couvercle, il s'est ébouillanté, il a eu le courage de soulever le couvercle. En tout cas. Alors, la Hongrie d'aujourd'hui, c'est Viktor Orban, notamment, et ça fait écho à votre livre. On va reparler de votre livre, mais quel regard vous portez sur la Hongrie d'aujourd'hui à travers Orban et à travers son développement historique récent, pas que Orban, d'ailleurs. C'est une large question, mais, oui. Mais comment faire le lien entre la période post-56 et aujourd'hui? On va d'abord à 89. Oui. Prenons comme espace de référence à partir du moment où le mur tombe et le communisme avec. En fait, toute la période de Kadar, donc post-56, jusqu'à 88, effectivement. Jusqu'à 88, quand il quitte le pouvoir, est fondée sur une interprétation des événements de 56 comme une contre-révolutionnaire, j'arrive pas à m'exprimer, comme une contre-révolution oui. De la réaction. Donc une volonté de renverser le socialisme. Et donc Kadar se présente comme celui qui rétablit l'ordre. D'accord. Et donc c'est un mensonge sur lequel repose quasiment 20 ans du régime hongrois, des années 60, 70, 80. Dans la seconde moitié des années 80, monte au sein du Parti communiste hongrois un mouvement de réforme qui s'attaque d'abord à ce mensonge, parce que tout découle de là. Si, et effectivement, en 88, 89, le comité central requalifie le régime de Kadar de contre-révolution. C'est-à-dire, oui. c'est pas un rétablissement de l'ordre contre un coup d'État contre-révolutionnaire de l'automne 56, mais c'est une contre-révolution conservatrice. Et en fait, quelque part, par cette réinterprétation de la période Kadar, on délégitime complètement le régime. Et on ouvre le débat sur les réformes économiques, sur les réformes politiques de l'année 88-89. Donc, c'est quelque chose qui permet à la société hongroise de crever l'abcès sur son propre passé et d'avancer. Ensuite, la période post-communiste, et là j'en viens à Orban, et qui fait écho à votre livre, puisque le titre c'est « Le populisme en Europe centrale et orientale, point, un avertissement pour le monde, point d'interrogation ». Ah, c'est quoi ce mystère? Pourquoi ce point d'interrogation? Il y a un point d'interrogation parce que ce qui se passe aujourd'hui en Europe centrale, en Pologne, en Hongrie, mais dans d'autres pays à des degrés différents, je pense que ça fait écho à ce que traverse l'Europe en ce moment depuis plusieurs années. Il y a Jean-Claude Juncker, au lendemain du Brexit, dans son rapport d'État, dans son discours sur l'État de l'Union, c'était en 2016, parle de la crise existentielle. Et je pense que c'est effectivement le terme qu'il faudrait utiliser. Le Brexit, la crise grecque, la crise des réfugiés, etc. En fait, ont remis en question certains fondamentaux sur lesquels nos sociétés reposent, fondamentaux institutionnels, mais également en termes de valeurs. Et en Europe centrale et orientale, cette crise existentielle est beaucoup plus visible. Elle est plus violente aussi par tous les processus que cette région a traversé depuis les années 80. C'est dans cette partie de l'Europe que se manifeste de manière peut-être un peu plus précoce des contre-réactions à cette crise que sont la démocratie libérale. Ça veut dire que cette partie de l'Europe fait partie de nous, puisqu'elle a le même malaise que nous, mais avec ses spécificités quand même, ce qui est un héritage de l'histoire quand même. Oui. Une Europe divisée en deux pendant plusieurs décennies. Juste un mot, parce que c'est la fin. Absolument, je pense que les spécificités sont importantes, mais ce qui est à souligner, c'est le destin commun, je crois. Merci infiniment, Roman Krakowski, pour tous les éclairages que vous nous avez apportés. Merci, au revoir. Merci à vous. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Budapest 1956, une émission à réécouter évidemment en podcast sur franceinter.fr notamment. À la technique aujourd'hui, il y avait Ronan Mahé, que je remercie, et maintenant, à suivre sur France Inter, pop, Antoine Decaune. Bonjour Antoine. Bonjour Fabrice. Il n'a pas été question de Chypre aujourd'hui donc? Ben non, il en était question hier. Oui, je me souviens très bien. Pourquoi le fraîche deux fois? Bon. Et vous, aujourd'hui, on reçoit Rebecca Warrior pour parler du nouvel album de Mansfield, Tia. Écoutez ça va vous plaire. J'en suis sûr. À tout de suite, merci.